le voir et vautour en colonne et charognant. Il se passe pas un jour d'étranges sentiments efface notre amour en échange d'argent. SOS, en détresse, j'ai plus les fesses, je suis dans le stress, je verrai plus les fesses de ma mère, de ma maîtresse. SOS, en détresse, je n'ai plus d'espèce, je suis dans le stress, je verrai plus les fesses de ma mère, de ma maîtresse. Dans de sombres événements, et nous on se la joue cool. À l'ombre nos gémissements, nos cerveaux ont de boules. Le scrotum les couvrant. La libido les saoule. D'un opium enivrant. SOS, en détresse, j'ai plus d'espèce, je suis dans le stress, je verrai plus les fesses de ma mère, de ma maîtresse. SOS, en détresse, j'ai plus d'espèce, je suis dans le stress, je verrai plus les fesses de ma mère, de ma maîtresse. À l'amour que l'on recherche à présent. La rabourse et vautours sur une perche et spéculant. Les plus riches d'entre nous sont les heureux gagnants. Les filles belles comme des bijoux font le jeu en ricanant. Les fesses de ma mère.